Rembrandt, par Arsène Houssaï. La vie et la couleur éclatent dans Rubens. Dans Rembrandt, ce qui éclate, c'est la pensée et la lumière. Rubens est un plus éblouissant artiste. Ses poèmes sont des merveilles qui enivrent les yeux. Rembrandt est plus profond. Il veut surprendre l'esprit tout en étonnant le regard. On peut dire que comme nation, la Hollande naquit de la réforme. En vain, Philippe II voulut étouffer sous son pied les semences prospères. Quand la raison a pénétré dans l'esprit d'un peuple, les forces brutales ne font que la répandre et la semer encore. En vain Philippe II mit en œuvre l'Inquisition. Non seulement avec l'Inquisition il perdit la foi catholique, mais encore la Hollande. Après 15 années de lutte et de supplice, l'héroïsme et la raison triomphèrent, les Bataves se déclarèrent affranchis du joug. Leur république ne tarda pas à s'élever au rang des premiers royaumes. On ne saurait trop admirer ce peuple perdu sur la mer, luttant sans cesse contre l'Espagne et contre la mer elle-même. La liberté enfante des prodiges quand elle est fécondée par l'amour de la patrie. L'histoire de la philosophie ira consulter l'œuvre de Rembrandt comme l'un de ses documents les plus précieux. Un rayon de liberté couronne les têtes de ce grand maître. Ces hommes-là respirent fièrement sur la terre comme dans un royaume qui leur appartient. Ils sont tous rois. Ils sont loin, il est vrai, des visions extatiques qui entraînent l'âme aux pieds de Dieu. Mais ils sont délivrés des chaînes serviles de la papauté et des craintes de l'Inquisition. La Hollande n'a jamais été rigoureusement papiste. La réforme l'a trouvée toute réformée. C'est vers le nord que l'aube s'est levée. La scolastique seule, la scolastique, ce désert inhabitable pour la raison fécondante, mais parsemé de loin en loin de vertes oasis, avait lutté çà et là contre l'envahissement des papistes. Ce que Dante et Pétrarque furent pour la poésie, Michel-Ange et Raphaël pour les arts, Bacon et Descartes pour la philosophie, Copernic et Galilée pour l'astronomie, Colomb et Gamin pour la science du globe, Luther le fut pour la religion. Si Rembrandt a eu un maître, ce fut Luther. Rembrandt avait sérieusement foi en Luther. Il comprenait qu'il n'était pas plus un réformateur que Mahomet, Jésus-Christ et Moïse. Il comprenait que le catholicisme, par ses pompes et ses voluptés, n'était plus qu'une autre mythologie. Dieu, l'image invisible, était cachée par les images des saints. Rembrandt rendait grâce à Luther, qui avait indiqué aux Hollandais les premiers rayons du jour nouveau, qui leur avait inspiré l'esprit de révolte, qui avait fait de ses frères des hommes libres et forts. Aussi les hommes qu'a peint Rembrandt sont tous libres et forts. Dieu est avec eux, mais ils osent respirer et s'épanouir sous le ciel qui leur sourit. L'esclave s'est fait homme. Quel merveilleux temps pour la raison, pour les penseurs, pour les philosophes. C'est une période exubérante de génie. Agrippa, Bacon, Charbery, Descartes, Spinoza, Gassendi, Pascal, Malebranche, Locke, Leibniz, Wolff. Du reste, la philosophie était alors à son martyre plutôt qu'à son jour de gloire. On brûlait vif Bruno à Rome en 1600, Banini à Toulouse en 1619. On allait bientôt brûler Kuhlmann à Moscou. Les autres mouraient de faim dans l'exil. Rembrandt fut un peintre philosophe qui étudia l'art et la vie dans la nature et dans la création, peu ou point dans les livres et dans les musées. Il ne devint pas, comme on le pense trop, un grand peintre sans le savoir. Il disait très bien que celui qui imite Homère n'imite pas l'Iliade. Il ne voulait pas devenir illustre dans le chemin de ses devanciers. Il voulait monter sur l'âpre montagne par un point inconnu. Il étudia les principes et la philosophie des arts. Chez les Italiens, c'est l'imagination et les sentiments qui les emportent jusqu'au génie. Chez Rembrandt, c'est la pensée et l'analyse. Les Italiens sont plus éloquents, Rembrandt est plus profond. Les Flandres ont autant servi l'art que l'Italie. Raphaël n'a pas créé un peintre, il en a désespéré 1000. Chez l'un, c'est le monde connu, c'est le dernier mot, le couronnement de l'œuvre. Chez Rembrandt, l'intrépide et magique coloriste, c'est encore le commencement du monde. C'est une aurore nouvelle qui éclaire l'art. Rembrandt naquit le 15 juin 1606, 30 ans après Rubens, entre les villages de Leyerdorp et de Koekerk, près de la ville de Leyde, de Herman Gerets et de Cornelie van Zuidbroeck. Tout le monde sait que son père était meunier sur les bords du Rhin. De là le surnom de Van Rhin. Comme le père de Bruegel le Drôle, ces exemples sont trop rares pour ne pas s'y arrêter, le meunier de Leyde voulut que son fils fût un savant ou un artiste. il l'envoya étudier le latin à Leyde. Après quelques années d'études presque stériles, le jeune homme, qui n'aimait ni l'école ni les pédants, obtint de son père qu'il serait peintre et non point savant. Déjà, il avait prouvé par ses dessins charbonnés sur tous les murs de la maison paternelle, crayonnés sur tous ses livres, qu'il était né pour l'art. Le meunier plaça son fils chez un peintre sans génie, Jacques von Swanenburg, qui lui enseigna du moins l'alphabet de la peinture. Après 3 ans passés à l'atelier de von Swanenburg, Rembrandt alla à Amsterdam demander des leçons à Latzmann d'abord, à Pinas ensuite. Dans la description de la ville de Leyde, Simon Leven veut que George von Schoten ait été le vrai maître de Rembrandt. Ce n'est pas trop la peine de discuter sur ce point. Rembrandt n'a eu qu'un maître, c'était Rembrandt. En effet, bientôt fatigué de toutes ces leçons contradictoires qu'il avait subies sans trop se plaindre à Leyde et à Amsterdam, il revint au moulin de son père, déclarant qu'il n'aurait plus d'autre atelier. Il comprenait que pour les hommes d'une forte trempe, la nature était seule éloquente. Ce fut donc dans cet atelier en plein vent qu'il commença à dérober au ciel cette lumière magique qu'est l'âme de sa peinture. Celui qui devint avare jusqu'au ridicule fut d'abord un artiste amoureux de son art, sans songer à l'or qui tomberait bientôt de sa palette. Il peignait pour peindre, sans autre passion. À l'âge où tant d'autres se hâtent d'attirer les yeux sur leur talent, il trouvait de la volupté à vivre seul, loin de tous, à donner aux lois austères de l'art. Mais un homme de génie est-il seul en face de l'œuvre de Dieu? N'est-ce pas plutôt les hommes qui lui font la solitude? Pendant qu'il étudiait par les yeux et par la pensée, tantôt errant sur les rives mouillées du Rhin en contemplation devant les trames invisibles du drame éternel, tantôt dans l'intérieur du meunier, s'amusant des jeux de la lumière sur les rues des franches figures de sa famille, tantôt la palette en main, répandant la vie avec éclat, les peintres de Leyde et d'Amsterdam, qui avaient deviné son génie, le proclamaient d'avance comme une nouvelle étoile au ciel de l'art. Rembrandt ne croyait pas encore à lui-même, pareil au maître sérieux qui considère le génie avec respect et avec effroi. Un peintre, on ne dit pas son nom, voyant un de ses tableaux, lui conseillait d'aller le vendre à La Haye pour lui prouver que son talent serait apprécié. Rembrandt alla à La Haye à pied, son tableau sous le bras, doutant encore de ses forces. Il se présenta chez un amateur qui lui offrit à première vue 100 florins. Rembrandt prit avec surprise les 100 florins et retourna en toute hâte au moulin. Dès ce jour, il faut bien le dire, l'amour de l'argent vint passer dans ses rêves d'artiste. Sa famille était pauvre. Sans doute il enviait un peu le sort des beaux gentilshommes de Leyde, qui venaient se promener sous son moulin en pourpoint de velours, coiffé d'un feutre à plumes, portant des armes d'or et d'argent. Peut-être songea-t-il à secourir son père et sa mère, à donner à l'un le repos, à l'autre quelques dentelles ou étoffes de prix. Peut-être aussi aima-t-il d'abord l'argent pour l'argent. Pourtant, il était déjà riche par les tableaux qu'il allait faire quand il épousa une jeune paysanne de Rareb ou de Ransdorp qui n'avait rien que sa beauté, sa fraîcheur et sa gaieté. Ce n'était point là le mariage d'un avare. Il s'était établi à Amsterdam. Il y avait ouvert un atelier silencieux où chaque élève avait un cabinet. Sa manière d'enseigner était nouvelle à Amsterdam. Devant l'écolier qui n'avait pas encore dessiné, il plaçait un modèle vivant et lui disait « Voilà ton maître ». « Tire-toi de là comme tu pourras. » Il conserva toujours ses allures et son langage rustique. En vain, il se couvrait d'armure et de chapeau à plumes. Le paysan des bords du Rhin ne se masquait jamais ou se trahissait toujours. Il faut qu'ici-bas chacun ait sa folie. C'est une loi divine qui frappe éternellement l'humanité. Rembrandt eut donc la folie de l'argent. Cette folie, qui n'eut d'abord que des airs de caprice, de bizarrerie, devint peu à peu sombre et sérieuse. On a tenté de révoquer en doute l'avarice de Rembrandt. Par amour du paradoxe, on a même voulu prouver qu'il était prodigue comme le sont presque tous les artistes. On s'est appuyé sur l'autorité de Houbraken, qui affirme n'avoir jamais entendu dire que Rembrandt ait laissé un grand bien. Mais Houbraken lui-même, parlant des repas de Rembrandt et du prix de ses tableaux, ne montre que trop ses contradictions. En effet, selon lui, le grand peintre de Leyde dînait assis sur un escabeau, tantôt avec un hareng salé, tantôt avec un fromage. On peut juger, d'après les portraits et tableaux qu'il a laissés de sa femme et de son intérieur, qu'il n'avait de luxe que dans son talent. Il fuyait le monde avec effroi. En vain, le bourgmestre Six cherchait à lui prouver qu'il était né pour les honneurs, qu'une gloire telle que la sienne perdait à se tenir cachée dans l'ombre de l'intérieur. Il amassait l'or avec volupté. Il persistait à ne s'amuser qu'en la compagnie des gens du peuple, plus émerveillés d'un trait naïf ou spirituel parti du cœur ou du cabaret, que des discours éloquents appris dans les livres. Il était du peuple, il ne respirait la liberté qu'avec le peuple. On lui a fait un reproche de sa façon de vivre. Si son talent était à tous, sa vie était à lui-même. Il ne devait compte que de son talent. On lui a aussi reproché de n'avoir pas voulu sortir de son pays. Tous ses contemporains regrettaient de ne pas le voir faire un pèlerinage en Italie. Ce reproche n'est pas injuste comme l'autre, il est ridicule. Est-ce qu'en saluant le génie de Rembrandt, on a le droit d'en désirer un autre, quand Léonard, Michel-Ange, Raphaël et Corrège avaient pour ainsi dire fermé tout espoir au peintre futur? Honni soient les esprits insatiables, qui oublient que le seul grand maître qui a rassemblé sous sa main puissante toutes les phases de l'immortelle beauté s'appelle Dieu. Rembrandt avait voulu arriver au génie sans s'appuyer sur le génie des autres. Il avait réuni sur les murs de son atelier des armures, des turbans, des étoffes persanes, des armes de prix, des pierres précieuses. « Ce sont là mes antiques, » disait-il. C'était un esprit bizarre et libre, qui n'était esclave de qui que ce fût, pas même de sa passion pour l'or. Un jour qu'il peignait une famille noble dans un seul tableau, on vint lui annoncer la mort d'un singe qu'il aimait beaucoup. Il ne put contenir sa douleur, il s'irrite contre le sort, il dit que c'en est fait de lui. Tout en sanglotant, il trace à grands traits la figure du singe sur le tableau de famille. On lui fait des remontrances, on lui dit que son singe est déplacé au milieu de graves personnages. Toute la famille s'indigne et lui ordonne d'effacer l'animal. Il continue à pleurer et à peindre son singe. Le chef de la famille lui demande d'un ton sévère si c'est le portrait des siens ou d'un singe qu'il prétend faire. « C'est le portrait du singe, » répond Rembrandt. « Eh bien donc, vous garderez le tableau ? J'y compte bien, » réplique le peintre. Il riait lui-même de sa folie pour l'argent. Il ne se fâchait pas quand d'autres en riaient. Ainsi, on raconte que ses élèves ont peint des pièces de monnaie sur des cartes répandues comme par mégarde dans l'atelier. Rembrandt s'y laissait prendre et tendait la main avec une habileté comique et furieuse. Cependant, pour assouvir sa passion, il perdait toute noblesse. Il avait un fils. Il l'obligea à vendre ses estampes, comme s'il les lui eût dérobées. Il le condamnait à aller dans les ventes publiques surenchérir sur ses tableaux. Singulière et triste éducation du fils d'un homme de génie. Il jouait comme Teniers, comme beaucoup d'autres, la comédie de la mort, pour animer le zèle des amateurs, ou bien il simulait un long voyage. Il parlait de s'exiler aux Grandes Indes, ou bien encore il changeait quelques traits à une gravure pour la vendre à ceux qui déjà l'avaient achetée. Ainsi vivait cet homme si original et si fort, le vrai roi de la Hollande, comme Rubens est le vrai roi de la Flandre. On a quelque peine à se représenter un pareil génie perdu, pour ainsi dire dans une mine d'or, vivant dans son intérieur et étranger aux joies de l'intérieur. Van Dyck demandait la fortune à l'alchimie, Rembrandt demandait l'or à lui-même. Ironie de l'esprit souverain, qui avait laissé tomber sur eux un rayon de sa gloire. Dans la vie de chaque grand artiste, on pourrait trouver l'amour de l'or. Xerxès ne faisait-il pas payer tous les curieux qui venaient voir la fameuse Hélène ?